Metal Express avec Eric. Eh bien, bonsoir les rockeurs, bonsoir les rockeuses, salut les fans, heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi de 19h à 21h. Je vous rappelle que vous êtes dans le Metal Express et c'est Eric avec vous pour vous accompagner jusqu'à 21h. Ce soir donc sera un programme chargé en nouveautés. Il y aura également les dédicaces, il y aura donc un programme d'enfer. Je vais revenir sur l'émission de la semaine dernière, le spécial Metal 80. Franchement, vous avez été énorme. J'ai reçu pas mal de messages. Franchement, vous êtes génial. Si l'émission Metal Express est là, existe toujours, c'est grâce à vous. Merci encore de nous écouter sur Radio Heavy Metal, Fréquence Zik, Indé Spirit et Radio Bourrin. Voilà! Je rappelle même au passage que maintenant vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur archive.org. Ça sera le lendemain bien sûr, je la mettrai le matin. Donc sur la page Facebook de Radio Heavy Metal. Allez, on va pas perdre trop de temps, on va commencer tout de suite l'émission, on va taper dans le lourd, dans le grand Metallica. C'est un album qui a pas été terrible pour moi, mais bon, un morceau que j'aime. Voici Seth Anger, Metallica, tout de suite dans le Metal Express. We'll be right back. C'est Anger, donc à l'instant dans le Metal Express, Metallica, le 9e album. Franchement, niveau batterie, ça fait un peu casserole, j'aime pas du tout. Allez, voici un groupe qui s'appelle Ice War, le morceau qu'on écoute, Dream Spirit. Bonne écoute dans le Metal Express. S'est formé en 2015, le groupe Ice War. On vient d'écouter le morceau Dream Spirit. Ils ont une page Facebook, vous pouvez même les écouter sur Bandcamp. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voilà de la nouveauté dans Metal Express, Judas Priest. Ça s'appelle Lightning Strike. Bonne écoute! Fire, fates in my hands, waiting for lightning to strike. Man, I'm a wire, buried. nouvel album de Judas Priest, il est excellent. On vient d'écouter Lightning Strike à l'instant. Allez, tout de suite, voici The Ugly Kings. Ce morceau s'appelle The Darkness Is My Home. Ce sont des Australiens. Et c'est un power blues. Don't preach to me words you don't understand. Just leave me alone. Don't show. Que ce groupe est australien, il s'appelle The Ugly Kings. Le morceau qu'on a écouté à l'instant, Darkness Is My Home. Ils ont une page Facebook, pardon. Allez-y faire un petit. Allez jeter un petit coup d'œil, pardon. Et un petit like fait toujours plaisir, comme je dis toujours. Revient juste à... après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour sa contact radio et Vimetal sur Facebook. Et oui, rien de plus simple. Vous contactez Radio Heavy Metal sur la page Facebook. Vous voulez passer à l'antenne, c'est simple. Du MP3, du CD, et vous passez. Voici en attendant Woodwonk. Ça s'appelle Don't Wake the Witch. Rock metal, le groupe s'appelle Woodwonk. À l'instant, on a écouté le morceau Don't Wake the Witch. Je vous rappelle qu'ils ont une page Facebook et vous pouvez également les écouter sur Bandcamp. En attendant, voici un groupe qui s'appelle Forbidden Forest. Le morceau qu'on écoute, Mountain Witch. « Ce groupe est norvégien, donc il s'appelle le Forbidden Forest. Et le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, Mountain Witch. Ils ont également une page Facebook. Allez y faire un petit tour. Allez, voici un groupe qui s'appelle Visigoths, le morceau Warrior Queen. Bonne écoute dans le Metal Express. Hail! C'est leur deuxième album donc qu'ils viennent de sortir donc à l'instant, ça s'appelle Warrior Queen, pardon, et le groupe s'appelle Visor Ghost, et l'album s'appelait donc Conqueror Ross. Donc c'est sorti il y a très peu. Allez, ce groupe s'appelle Bad Butler, le morceau qu'on écoute, Burning World. Bonne écoute! Allemand donc, il s'appelle le Bad Butler et le morceau qu'on vient d'écouter, Burning World. If you open the book, turn the page, take a look, find the truth right between the lines. Allez, voici dans le Metal Express Michael Schenker Fest. Ça s'appelle Warrior et c'est extrait du nouvel album. Giving protection with love and affection, standing with honor and pride. Every now, every then, we'll be always the same. Born to follow, walk a fine line. l'instant, donc, dans le Metal Express, Michael Schenker Fest. L'album est sorti le 2 mars et s'intitule Resurrection. Il y a eu pas mal d'invités qui ont participé à l'album, entre autres Kirk Hammett, également les trois chanteurs de Michael Schenker Group, Gary Barden, Glenn Bonnet et Robin McAuley. Voilà. Et si j'allume pas le micro, ça va pas le faire du tout. Alors je disais donc, ça c'est Purple Dino avec le morceau And Know What. S'appelle Purple Dino et le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, And Know What. Que le métal soit avec toi. Que le métal soit avec toi. Et Allez, on change complètement d'univers. Voici Necrophobic Requiem for a Dying Sun à l'instant sur les platines du Metal Express. Donc dans le Metal Express, le groupe suédois Necrophobic avec le morceau Requiem for a Dying Sun du très bon Black Death Metal. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, ça s'appelle My Direction, le morceau qu'on écoute, Breaking Orbit. Le groupe s'appelle My Direction, Breaking Orbit, le morceau. Allez, voici un groupe qui s'appelle le Post 942 et le morceau qu'on écoute s'appelle Whiskey. un excellent groupe, donc le groupe s'appelle Post 942, ils nous viennent du Var, c'est du très bon hard rock stoner, et le morceau qu'on vient écouter à l'instant s'appelle Whiskey. Je vous rappelle qu'ils ont une page Facebook, vous pouvez également les écouter sur Bandcamp, également la vidéo Whiskey, vous pouvez la voir sur YouTube. Allez, ça s'appelle Heavy Metal Locomotiva. Et le morceau qu'on écoute s'appelle Terminal. Et la première donc, c'est Jean-Marie Philippe, je vais dire Jean-Philippe Marie, pardon, qui m'a demandé Rammstein, ça s'appelle Stripped. Allez, bonne écoute. We'll be right back. I taste when we kiss. Take my hand, come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Let me see you stripped. Let me hear you make decisions without your television. Allemand Rammstein avec le mot Stripped. Donc ça m'a été demandé par Jean-Philippe Marie. La seconde dédicace donc qui va arriver, ça, c'est de la part, c'est tout simplement Blackfill. Merci Loles qui m'a demandé Purge of Sanity et le morceau qu'on va écouter s'appelle Exile and Theory. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. Thank you. Le groupe Purge of Sanity, donc un instant dans le Metal Express avec le morceau Exile and Theory. Ça m'a été demandé donc par Blackfield. Merci Lawless, qui n'est entre autres donc le manager du groupe. Allez, voici AC/DC Hard Hard Rock. Ça m'a été demandé donc par Valérie, de Valérie Roba donc. Et ça c'est pour son mari Henri. Allez, AC/DC. C'est dur comme de la pierre, Hard as a Rock, le groupe AC/DC, extrait de l'album Ballbreaker sorti en 1995. Et ça m'a été demandé donc par Valérie Robas pour son mari Henri. Allez, Valérie, ça c'est également pour toi, Def Leppard, Rock Rock Till You Drop. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de charger Bon Jovi, j'espère que tu m'en voudras pas. Ça c'est pour toi, Def Leppard. Metal Express, le groupe Def Leppard, The Rock Rock Till You Drop. Donc c'était pour Valérie Robas, je vais bien le dire cette fois j'espère, pour son mari Henri. Allez, la prochaine dédicace, donc, c'est de la part de Avalon Louis Chameau pour toutes ces superbes chanteuses de métal et de rock qu'il connaît et donc les voix nous enchantent souvent. Voici Jamie Lee Smith avec Waiting for My Ghost. Pour la petite histoire, Jamie est la chanteuse de Azalea, groupe belge de métal. Allez, on écoute ça. Yeah. l'instant dans le Metal Express, Sammy Smith, oh là, avec Waiting for my ghost, pardon mon ami Avalon Louis Chameau. Allez, ça, ça a été demandé par Jojo Brazis, Iron Maiden, Run to the Hills, extrait de l'album The Number of the Beast. Allez, on écoute. Restera pour moi l'album culte Iron Maiden, Instance avec Run to the Hills. Ça m'a été demandé donc par Jojo Roses. L'album The Number of the Beast. Allez, ça, ça a été demandé par Didier, Découpé, Judas Priest, Painkiller. Bonne écoute dans le Metal Express. Yeah! Le mythique groupe anglais donc Judas Priest avec l'album Painkiller sorti en 1990. Ça a été une grosse claque cet album. Allez, ça m'a été demandé par Pierrot, donc Ten Nugent Catch Scratch Fever. Bonne écoute dans le Metal Express. Le groupe Ted Nugent, il est américain dans les années 70-80 et sorti donc cet album qui est pour moi le meilleur. Allez, ça a été demandé par Xavier Hubler. C'est une spéciale dédicace Old and Glam. Et ce groupe s'appelle Old and Glam. On écoute Showgirls. Life we Showgirl, le groupe Old and Glam. Ils ont une page Facebook. Vous pouvez aller y faire un petit tour. Et vous pouvez également les voir sur leur compte Twitter. Donc ça m'a été demandé par Xavier Hebler, qui l'a spécialement dédié à ce groupe Old and Glam. Ça a eu du mal à partir, mais c'est parti. Voici en attendant Rock Narcotic Master, le morceau, The Rift. m'excuser auprès de ce groupe car j'ai dit tout à l'envers tout à l'heure. Donc le groupe s'appelle The Rift et le morceau qu'on vient d'écouter, Rock Narcotic. Allez, le groupe s'appelle Steak et le morceau qu'on écoute, Liquid Gold. We'll be right back. Stunner, le groupe s'appelle Steak. L'album s'intitule Comet Beef Colossus et le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, Liquid Gold. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, ce groupe s'appelle Narcosis. Allez, et le morceau, pardon, ce soir j'ai du mal. Hein. Road to Infinity. Thank you. Psychosis avec le morceau Road to Infinity. Voilà, c'est le générique de fin. Oui, ça passe trop vite. Donc, demain matin, il y aura le podcast. Vous allez sur la page Facebook Radio Heavy Metal. Elle sera sur archive.org. En attendant, moi, je vais vous dire que cette émission sera rediffusée sur Fréquence Zik à partir de 21h. Jusqu'à 23h mercredi et également dimanche à la même heure, 21h, 23h et également sur Radio Bourrin samedi à partir de 20h, 22h. Nous donc on se retrouve lundi prochain à la même heure, 19h, 21h sur Radio Heavy Metal. Donc si vous avez des messages à m'envoyer, vous m'envoyez vos messages, je répondrai. Si vous avez des dédicaces, n'hésitez pas, je les passerai pour la semaine prochaine. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir, salut, bonne très bonne semaine, à plus.